Les bals des jeunes étudiants consacrés au 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée ont eu lieu le 10 octobre dans les dancing de la capitale, notamment sur la place du monument à la fondation du Parti, de l'Arc de Triomphe et du Palais des Sports de Pyongyang et dans toutes les provinces.